Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle conférence sur la liturgie qui accompagne notre carême, série de conférences qui accompagnent notre carême. La semaine dernière, dont Léonard a approfondi le thème de la présence de Dieu dans la liturgie, des différents modes de présence de Dieu dans la prière liturgique. Dieu se rend présent à nous de manière toute particulière dans l'Eucharistie. C'est la présence réelle de Jésus ressuscité dans l'hostie, dans le vin consacré, corps et sang du Christ. Dieu se fait proche de nous, c'est ce que Don Léonard nous a dit la semaine dernière. Et si cette présence est bien réelle, nous savons bien que de notre côté, notre présence, eh bien, pour ce qui la concerne, il y a bien des façons de la vivre. Il y a bien des façons de vivre de cette présence. Il y a bien des façons de nous rendre nous-mêmes présents à Dieu dans la liturgie. C'est le sens là de cette conférence dans laquelle nous allons nous interroger pour savoir comment offrir sa vie dans la liturgie. C'est le sens de l'offrande de nos vies dans la liturgie qui sont finalement une réponse de notre proximité à la proximité de Dieu. Je vous propose dans cette conférence d'essayer de répondre à cette question en deux temps. D'abord en nous interrogeant sur le pourquoi de l'offrande de sa vie dans la liturgie, pourquoi offrir sa vie dans la liturgie, avant d'essayer de nous demander comment eh bien, nous pouvons offrir notre vie dans la liturgie. Pourquoi offrir sa vie dans la liturgie? Il y a peut-être plusieurs choses à avoir à l'esprit pour essayer de répondre à cette question. La première chose, c'est la question de notre participation à la liturgie. On le sait, la liturgie est un mystère d'alliance. Les baptisés reçoivent la vie de Dieu et s'offrent eux-mêmes au Père avec le Christ, consacrés par le baptême pour être une demeure spirituelle. Ils sont appelés à s'associer au culte que Jésus lui-même rend au Père. Et comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est toute la communauté, le corps du Christ uni à son chef qui célèbre à chacun de nous, est donné de coopérer à la grâce d'en haut pour qu'elle puisse fructifier dans sa vie. Et c'est le sens, en réalité, de la participation dans la liturgie, le fait de participer à la vie liturgique, de participer à l'intérieur même de la liturgie. Qu'est-ce que cela signifie, participer dans la liturgie? Finalement, ça signifie principalement s'ouvrir à l'action de Dieu. Ça signifie prendre conscience là, du mystère qui est célébré et prendre conscience de la relation de ce mystère à notre existence chrétienne. C'est finalement faire le lien entre ce qui est célébré et ma propre vie. Et pour ça, avoir une présence active dans ce mystère qui est célébré, pour pouvoir faire ce lien entre le mystère célébré et mon existence. Cette participation, finalement, est d'abord une attitude intérieure de réceptivité pour se laisser rejoindre par le Seigneur qui se fait proche de nous, pour se laisser transformer par Dieu qui donne sa grâce dans la liturgie. C'est d'abord une attitude de réceptivité. Ce ne sont pas d'abord des choses à faire, mais peut-être plus une conscience active de notre présence à Dieu. Finalement, l'enjeu de la participation, c'est d'être présent, c'est de rester présent, d'être présent au mystère qui est célébré. Pourquoi alors offrir sa vie dans la liturgie? Pourquoi est-ce que notre participation, elle pourrait consister à offrir notre vie dans la liturgie? D'abord parce que Jésus lui-même s'est offert. La participation à la liturgie, dans la messe en particulier, est donc la réponse que nous donnons à l'amour du Christ rendu présent par l'Eucharistie. La liturgie eucharistique, on le sait, rend présent le don total du Christ sur la croix. Le Christ réalise le salut en s'offrant lui-même, en donnant sa vie sur la croix, et en se donnant, Le Christ n'a pas voulu faire de nous de simples spectateurs de son offrande. Il a voulu que nous puissions participer à celle-ci, que nous puissions nous incorporer à celle-ci. Et c'est là où le sacrifice de la croix ne va pas sans participation de l'humanité. Et à chaque fois que nous assistons à la messe, eh bien, nous sommes rendus présents à cette actualisation de l'unique offrande du Christ de lui-même sur la croix. On est rendu vraiment présent, réellement présent à ce sacrifice de Jésus sur la croix, auquel eh bien, nous sommes appelés à participer. C'est toute l'humanité qui est appelée à se plonger dans ce mystère pour être rachetée. Ainsi, nous pouvons nous offrir avec Jésus lui-même, parce que d'abord Jésus lui-même s'est offert. C'est le Concile Vatican II qui dit ceci, en offrant la victime sans tache, non seulement par les mains du prêtre, mais aussi ensemble avec lui, les fidèles apprennent à s'offrir eux-mêmes et de jour en jour sont consommés par la médiation du Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux, pour que finalement Dieu soit tout en tous. C'est cette incorporation finalement à l'offrande même du Christ qui est rendue possible par la liturgie, à laquelle nous sommes invités à participer dans la liturgie. Et si on se pose la question de savoir pourquoi offrir notre vie dans la liturgie, la première réponse effectivement, c'est de se dire, mais d'abord parce que Jésus lui-même s'est offert, et puis parce que cette offrande d'amour du Christ nous dit quelque chose de ce qu'est l'amour en réalité, de ce qu'est ce mouvement d'amour en réalité. Parce que le mystère de la croix exprime au plus profond ce mystère d'amour du Christ pour l'humanité. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, nous dit Jésus. L'amour de charité, l'amour qui se donne, est la façon dont Jésus s'est offert. Cela nous dit quelque chose du sens de ce que signifie offrir sa vie. Offrir sa vie, c'est en réalité apprendre à donner ce qui fait ma vie par amour. Et c'est peut-être cela qui est important dans le pourquoi donner sa vie. Pourquoi donner sa vie dans la liturgie? C'est d'abord pour faire un acte d'amour, pour rendre amour pour amour au Christ qui lui-même s'est donné par amour. Et donc pourquoi offrir sa vie dans la liturgie? C'est pour vivre de cet amour que le Seigneur nous propose. Donc c'est entrer dans cette dynamique de l'amour qui se donne, de cet amour oblatif. Et c'est pour cela que nous sommes invités, nous-mêmes, à vivre là, de cet amour qui nous est révélé par le Christ. Offrir nos petits sacrifices, mais aussi offrir nos joies, d'abord parce que nous nous donnons nous-mêmes et que nous entrons dans ce mouvement de la charité. Vous voyez, comment est-ce que nous pouvons comprendre là cette offrande de nous-mêmes à laquelle nous sommes invités dans la liturgie comme expression, manifestation de notre réponse d'amour à l'alliance que le Seigneur veut faire avec nous, comme réponse d'amour que nous sommes invités à faire à l'amour qui nous est d'abord donné par le Christ lui-même. Ça nous permet de comprendre un peu pourquoi on se pose la question de savoir comment s'offrir dans la liturgie. On comprend quel est l'enjeu, un peu mieux, quel est l'enjeu de s'offrir dans la liturgie. Et c'est peut-être ce qui nous permet là de passer à l'étape suivante, de dire, mais voilà, une fois qu'on a compris qu'il est bon de s'offrir dans la liturgie, comment s'offrir dans la liturgie? Qu'est-ce que concrètement cela peut signifier? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? À quel moment dans la liturgie je peux m'offrir? Et qu'est-ce que ça signifie finalement s'offrir dans la liturgie? Finalement, on comprend mieux pourquoi la liturgie nous invite à nous offrir, à offrir nos vies et à répondre à cette invitation qu'on retrouve chez Saint Paul dans la lettre aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. C'est au chapitre 12 de la lettre aux Romains de saint Paul. Une petite phrase importante de saint Paul, assez fondamentale sur l'attitude intérieure du chrétien. Je vous exhorte, donc il y a une exhortation de saint Paul, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Je vous invite, finalement, saint Paul dit, mais je vous exhorte à offrir votre vie et à faire de votre vie l'offrande du sacrifice, à ce que votre vie elle-même devienne un sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu, une offrande spirituelle. Et c'est là pour vous une juste manière de lui rendre un culte. Saint Paul fait le lien là entre l'existence même du chrétien, ce qui fait sa vie, votre personne tout entière, votre corps, et le culte rendu à Dieu. Et finalement, la liturgie à laquelle le chrétien participe. Il fait lui-même ce lien entre l'offrande de nos vies et le culte rendu à Dieu, ce qui nous permet peut-être de dire, mais à quel moment dans la liturgie, il est possible là, de faire de notre vie cette offrande spirituelle, ce sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Et il y a un moment particulier à la messe, sans doute, qui est adapté, très adapté pour cela, dans lequel les fidèles qui assistent à la messe, tous ceux qui assistent à la messe, sont invités spécifiquement aussi à entrer dans ce mouvement d'offrande de l'Eucharistie. En ce moment, vous vous en doutez, c'est l'offertoire. Ce temps-là qui précède au début de la prière, de la liturgie eucharistique, l'offertoire par lequel commence la liturgie eucharistique, consiste en la présentation des dons des hommes à Dieu. C'est la présentation du pain, la présentation du vin que le prêtre élève avec une prière de bénédiction qu'il élève et qu'il présente à Dieu. Et c'est sans doute cette partie de la messe là qui ressemble le plus à la pratique sacrificielle de l'Ancien Testament, par laquelle l'homme se dépouille de certains de ses biens pour les offrir à Dieu en hommage, pour les lui sacrifier. C'est une dimension là qui ressemble au culte ancien. Et dans la messe, ce geste est d'autant plus important que c'est dans ces dons là que l'unique sacrifice va être rendu présent. Et dans la liturgie de la messe, les fidèles sont appelés à participer dans ce moment de l'offertoire. Une participation même dans la liturgie elle-même qui est prévue au moment de l'offertoire, participation que vous connaissez, en fait, qui prend trois formes dans l'offertoire. D'abord, les fidèles sont invités à participer par l'offrande qu'ils font, qu'ils prennent sur leur propre bien dans la quête, qui s'associe, qui est associé à l'offertoire, à l'offrande de l'autel. L'offrande de la quête a aussi cette dimension-là. Mais il y a aussi la possibilité de participer lorsque c'est prévu. Il y a la possibilité d'avoir une procession des offrandes. Les fidèles peuvent participer à une procession des offrandes qui peut avoir lieu lorsque c'est prévu, façon de participer aussi à l'offertoire. Et puis aussi, l'assemblée participe à l'offertoire par le sacrifice de louange, c'est-à-dire le chant. Le chant d'un psaume, d'un cantique, qui accompagne l'offertoire, qui est une façon aussi de participer à l'offertoire. Mais ils peuvent aussi s'associer, peut-être de manière un peu différente, peut-être plus intérieure, à ce qui se réalise au moment de l'offertoire, au moment de l'offrande de ces dons. Et c'est peut-être cette participation intérieure qui nous intéresse aujourd'hui davantage lorsqu'on se demande comment offrir sa vie dans la liturgie. Dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, qui était paru en 2007, le pape Benoît XVI parlait ainsi de l'offertoire. Il disait ceci sur l'offertoire. Il disait dans ce geste humble et simple se manifeste en réalité une signification très grande. Dans le pain et dans le vin que nous apportons à l'autel, toute la création est assumée par le Christ rédempteur pour être transformée et présentée au Père. Dans cette perspective, nous portons aussi à l'autel toute la souffrance et toute la douleur du monde, dans la certitude que tout est précieux aux yeux de Dieu. Voilà ce qui est intéressant dans la façon dont le pape Benoît XVI, dans cette exhortation apostolique, approche le moment de l'offertoire, la façon dont il l'approche. Il élargit l'offertoire, il élargit l'offrande qui est présentée au Père. C'est toute la création qui est assumée par le Christ, nous dit le pape Benoît XVI. On porte aussi à l'autel, il y a l'idée de porter à l'autel toute la souffrance et toute la douleur du monde dans cette certitude que tout est précieux aux yeux de Dieu. Mais il y a cette idée qu'avec l'offrande qui est présentée à l'autel, eh bien, nous pouvons apporter d'autres offrandes, nous pouvons apporter tout ce qui fait notre vie. Ce lien-là qu'on évoquait entre notre existence et la liturgie, c'est là particulièrement qu'il se réalise. C'est là que la liturgie entre dans notre vie, que notre vie entre dans la liturgie. Et ce lien, il est fondamental pour que cette façon de vivre le culte, de vivre la liturgie, ne soit pas déconnectée de ce que je vis le reste du temps. Pour que cette façon d'être présent à Dieu parce que lui est présent, incorpore tout ce qui fait ma vie. Donc on voit qu'il y a là un élargissement de ce que nous pouvons apporter à l'autel en nous unissant à la présentation des dons, parce que le prêtre se tourne, dans ce moment de l'offertoire, se tourne vers le Seigneur, élève cette offrande au nom de tous, pour la présenter à Dieu. Le pain et le vin sont ainsi, et c'est là que le pain et le vin sont séparés de l'usage profane, disposés à devenir le corps et le sang du Christ. Et c'est dans ce geste-là que réside la part humaine, notre part de sacrifice dans la messe. Et peut-être qu'on le comprend bien quand on voit dans la liturgie, quand on voit dans la messe le prêtre qui s'incline à l'autel, qui s'adresse à Dieu. Et dans la façon dont il s'adresse à Dieu, il inclut avec lui toute l'assemblée. Dans la nouvelle traduction, il dit « Le cœur humble et contrit, nous te supplions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi Seigneur notre Dieu. » Ce n'est pas simplement un acte de piété extérieure, mais nous sommes tous appelés à nous offrir avec nos offrandes comme hostie vivante. Et nous sommes tous incorporés là, effectivement, dans l'offrande que fait le prêtre des dons. Accueille notre sacrifice en ce jour. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et juste après l'offertoire, nous avons cette nouvelle traduction aussi, que nous entendons de la bouche du prêtre. « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu Tout-Puissant. » Mon sacrifice qui est aussi le vôtre. Cette participation, effectivement, par notre cœur, notre participation intérieure, par notre offrande, par l'offrande de nos vies, par l'offrande de nous-mêmes, à ce sacrifice qui est présenté à Dieu. D'où l'importance, là, que ce moment de la messe de l'offertoire soit particulièrement un moment recueilli, un moment priant, pour que chacun de nous puisse s'unir au prêtre dans cette oblation, dans cette offrande de nous-mêmes. Et on voit là effectivement le lien au pourquoi, avec le pourquoi s'offrir. L'enjeu, c'est effectivement de nous offrir, d'entrer dans ce mouvement d'offrande de nous-mêmes, d'offrande de nos vies. Et c'est ainsi que nous pouvons apporter à l'autel ce qui fait notre vie, ce que nous portons lorsque nous sommes arrivés à la messe. Nous sommes arrivés avec nos soucis, avec nos joies, avec nos peines, nos inquiétudes, quelquefois nos angoisses. C'est sans doute à ce moment-là que nous pouvons déposer sur l'autel, déposer au prêtre qui offre cette offrande à Dieu, déposer tout ce qui fait notre vie pour entrer dans ce mouvement d'offrande et d'oblation. Bien sûr, notre petite offrande sera toujours disproportionnée par rapport à Dieu. Bien sûr, c'est toujours le Christ qui est l'unique médiateur, qui est celui qui nous donne d'avoir part à son salut en se rendant présent dans l'Eucharistie pour que nous puissions nous nourrir de lui. Bien sûr que c'est lui qui réalise ce sacrifice. Mais cela ne nous empêche pas, effectivement, d'y apporter notre part, d'y offrir nos vies, de nous associer à ce sacrifice du Christ en offrant notre vie, en déposant ce qui fait notre vie. Dans l'encyclique Spe Salvi, sur l'espérance, là, cette belle encyclique du pape Benoît XVI sur l'espérance, qu'il est bon aussi de redécouvrir dans cette année, année de l'espérance, dans cette année jubilaire dans laquelle nous méditons sur l'espérance chrétienne. Dans cette belle encyclique, le pape Benoît XVI rappelle l'importance d'offrir ses joies et ses peines. Dans cette encyclique, il distingue plusieurs lieux où l'espérance peut se déployer, des lieux où l'espérance peut s'exercer. Bien sûr, il y a la prière qui est le premier lieu dans laquelle l'espérance se déploie. La prière de demande en particulier, qui est une expression, une manifestation de l'espérance en Dieu. Mais aussi, il discerne dans la souffrance un lieu où particulièrement l'espérance est importante, où particulièrement l'espérance peut se déployer. Et à la fin, après avoir approfondit cette question de la souffrance comme lieu d'espérance, il rappelle l'importance d'offrir ses joies et ses peines. Et il écrit ceci, il écrit « La pensée de pouvoir offrir les petites peines du quotidien qui nous touchent toujours de nouveau comme des piqûres plus ou moins désagréables, leur attribuant ainsi un sens, était une forme de dévotion peut-être moins pratiqué aujourd'hui, mais encore très répandu il n'y a pas si longtemps. » Cette idée d'offrir les petites peines du quotidien, celles qui nous piquent, qui reviennent régulièrement, qui font partie de nos soucis récurrents, qui nous font souffrir un peu aussi chaque jour, cette pratique de les offrir, de les orienter à Dieu, en faisant cela, en donnant aussi une forme de sens à ce que nous vivons, est une dévotion finalement que le pape Benoît XVI encourage. Ça a un peu disparu, mais peut-être qu'il y avait de la valeur là-dedans. Et il continue en disant, que veut dire offrir à ce moment-là ? Ces personnes étaient convaincues de pouvoir insérer dans la grande compassion du Christ leur petite peine, qui entrait ainsi d'une certaine façon dans le trésor de compassion dont le genre humain a besoin. De cette manière aussi, les petits ennuis du quotidien pourraient acquérir un sens et contribuer à l'économie du bien, de l'amour entre les hommes. Peut-être devrions-nous nous demander vraiment si une telle chose ne pourrait pas devenir une perspective judicieuse pour nous aussi. Finalement, il expliquait un peu par là ce que signifie s'offrir ou offrir sa vie, en disant offrir ses peines en particulier, offrir ses peines, c'est les faire entrer finalement dans la grande compassion du Christ, les insérer dans la grande compassion du Christ pour finalement faire grandir ce grand trésor de compassion dont nous avons tellement besoin. C'est comme ça, participer, effectivement, s'insérer dans cette, dans ce sacrifice lui-même du Christ, pour que puissent se déployer pleinement les fruits du don du Christ pour l'humanité, du don du Christ sur la croix. Et là, il y a peut-être quelque chose pour nous, peut-être aussi une façon de nous aider à comprendre comment nous pouvons offrir nos vies dans la liturgie, comment est-ce que nous pouvons entrer dans ce mouvement d'oblation, de don de nous-mêmes dans la liturgie, en offrant peut-être ces petites peines de la vie quotidienne, mais c'est aussi offrir les joies qui habitent nos vies, les joies les offrir en sacrifice de louange aussi, hein, sacrifice de louange pour que eh bien, ces joies participent aussi à la gloire de Dieu, une façon aussi de s'associer là, au sacrifice de communion auquel nous sommes appelés. Voilà, pour peut-être un peu comprendre un peu mieux comment nous pouvons offrir notre vie, finalement participer à la liturgie en offrant nos vies dans la messe en particulier, pour pouvoir entrer dans cette communion à laquelle la liturgie eucharistique nous invite, puisque c'est bien comme cela que le Christ se rend présent à nous. En nous permettant de communier à sa présence réelle dans l'Eucharistie, et que cette communion puisse être le ferment à la fois d'unité et de charité qui habite toute l'Assemblée, toute la communauté chrétienne. Et on voit que le fait de s'offrir dans la liturgie, là, n'est pas simplement un mouvement qui serait individuel pour mon propre salut, mais lorsque je m'offre dans la liturgie, finalement, je participe à tout ce qui est vécu dans l'assemblée, à la messe, et j'entre dans quelque chose qui me dépasse pour pouvoir goûter cette communion avec le Seigneur et cette communion que je partage aussi avec les autres baptisés qui sont présents dans la liturgie, qui assistent à la messe. Et donc là, il y a aussi un mystère très grand, que cette unité que réalise la messe elle-même dans cette communion effectivement au Christ, cette communion que nous partageons au Christ, et qui fait que tous nos actes d'offrande eh bien, vont renforcer, vont approfondir ce lien de communion et de charité qui nous unit. Et c'est peut-être cela le sens que nous pouvons garder dans le fait de s'offrir dans la liturgie. Si nous offrons notre vie dans la liturgie, c'est pour à la fois nous laisser aimer par le Seigneur en participant, en recevant le fruit de son offrande, mais c'est aussi pour mieux nous aimer, pour mieux aimer et pour mieux nous aimer mutuellement. C'est bien le sens là, de cette offrande que nous faisons de nous-mêmes. Et cette offrande, elle est l'exercice de la charité, et elle est l'exercice, elle est la réalisation de cette unité entre nous. Voilà les quelques mots que je voulais vous partagez sur cette idée là de l'offrande de notre vie dans la liturgie, comment offrir sa vie dans la liturgie, comment l'offrande de cette vie est une façon de participer à la liturgie, une façon d'entrer dans ce mystère que nous célébrons, et une façon de toujours faire ce lien entre ce qui fait notre vie, notre existence, et le mystère qui est célébré. Je vous remercie.